Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique de 2019. On s'attaque aujourd'hui à un gros morceau de la musique. On s'attaque aux pionniers, aux plus grands influenceurs du rock qui en 10 ans ont révolutionné l'art, que ce soit à travers leur discographie, leurs films et même la peinture à travers les pochettes d'albums. Je veux parler bien sûr des Beatles. Je précise que l'on va bien parler du groupe et pas des membres un par un. Donc pas de... Imagine all the people. Ni de... Ou encore de... Si le nom de Beatles apparaît en 1960, ce n'est qu'en 62 que le groupe aura sa formation que l'on connaît tous aujourd'hui. Avant que Ringo Starr n'intègre le groupe, c'était le batteur Pete Best qui accompagnait Lennon, McCartney et George Harrison. Et Stuart Sutcliffe. Ce dernier décéda en 62 à 21 ans, ce qui marqua profondément le groupe qui poursuivit tout de même sa carrière à 4. Les Fab Four débutent par un style rock'n'roll dans la lignée des rockstars des années 50, Elvis Presley, Buddy Holly ou encore Gene Vincent. Avec diverses reprises mais aussi de plus en plus de compositions originales, les Liverpudlers se font une place dans la musique anglaise. Et bientôt arrive la Beatlemania, véritable engouement et admiration par les fans. Bien souvent des femmes qui sont prises d'hystérie et d'évanouissement au simple fait d'entendre et de voir les Beatles. En résulte en toute évidence un succès commercial sans précédent lors de la sortie de leur album et single. Pour les accompagner dans cette folle aventure, George Martin, considéré comme le cinquième Beatle, mérite d'être mentionné, tant sa contribution pendant ces 10 ans en tant que musicien, arrangeur et producteur, a été importante. Au milieu des années 60, le boys band à la coupe au bol séduit l'Amérique et chaque concert devient un événement international visionné par des millions de téléspectateurs. Le groupe est donc partout, au cinéma, dans les journaux, chaque interview des membres est ultra médiatisée, peut-être trop. L'exemple parfait reste la phrase de John Lennon, « Nous sommes plus populaires que Jésus », qui a créé une polémique effarante alors que Lennon n'a fait que constater un fait. Qui dit années 60 dit aussi « drogue », le LSD va influencer le groupe sur leur musique et ils n'auront pas tardé à explorer de nouvelles facettes de cet art. Alors avec des albums tels que Rubber Soul et Revolver, on va passer d'une pop-rock jusqu'ici classique, un peu niaise mais bien que très bonne, hein, à une musique psychédélique, plus recherchée, parfois marquée par des sonorités indiennes que George Harrison admire. Beatlemania est toujours présente et les concerts sont difficilement réalisables et agréables. La foule fait plus de bruit que les instruments, l'accès est bondé, les musiciens arrivent et sortent difficilement, il y a trop d'incidents et certains morceaux ne sont pas jouables en version live. Alors en 1966, les Beatles marquent un arrêt des tournées et préfèrent se consacrer à la musique en studio qu'ils ne quitteront plus. Tout leur génie va se développer dans les salles des studios d'Abbey Road à Londres. L'album Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band n'est pas devenu un album culte par hasard, il le mérite amplement. On découvre bien dans cet album un tournant radical du groupe et une musique nouvelle jamais entendue auparavant. Précurseur des albums concept, profonde écriture, incrustation de sonorités et d'effets très élaborés et novateurs, même la pochette est remarquable. Quatre garçons dans le vent ont mûri, psychologiquement et même dans leur style vestimentaire. Chaque morceau de l'album pourrait prendre des heures à être analysé et à être décortiqué. Avec le White Album, paru en 1968, les Beatles reviennent à un style plus rock'n'roll où chacun va pouvoir exprimer son talent d'auteur-compositeur, même Ringo Starr. On sent un épanouissement artistique dans cet album où pop-rock, hard-rock, rock expérimental et psyché se mêlent. Un autre chef-d'œuvre à écouter bien sûr. L'année 69, très riche en musique, le mouvement hippie est omniprésent, notamment avec le festival de Woodstock, le rock progressif se fait entendre petit à petit, et c'est aussi une année importante pour les Beatles. Dans un premier temps, ils offrent leur ultime prestation publique sur le toit d'un immeuble à Londres, interrompu malheureusement au bout de 40 minutes. Mais c'est aussi la sortie de deux de leurs albums, le premier, Yellow Submarine, et le second, synonyme de perfection, Abbey Road, accompagné d'une des pochettes les plus cultes et parodiées. 10 ans de musique sont regroupés dans cet album, les ballades avec Here Comes the Sun, la simplicité des musiques qui rappelle les débuts du groupe avec Octopus Garden, la recherche musicale qui dépasse les frontières avec Sun King et ses quelques mots espagnols, sa guitare planante, des effets sonores innovants avec la fin de I Want You et ses bruits de vent. Bref, le tout donne une œuvre conceptuelle on ne peut plus aboutie, et une bonne manière de mettre fin à l'histoire des Beatles. On ne négligera pas non plus l'album Let It Be, paru peu de temps après la séparation du groupe, qui contient entre autres le morceau éponyme Let It Be, Get Back ou encore Across the Universe, excusez du peu. Je vais m'arrêter là avant que la chronique ne s'éternise, mais il y a tellement de choses à dire concernant les Beatles, et vous savez ô combien ils ont bouleversé le monde de la musique et même au-delà. Plein d'autres facettes du groupe sont à découvrir, leur séjour en Inde, la création de leur label Apple Records, les sans cesse comparaisons aux Rolling Stones ou aux Beach Boys, les rumeurs sur chacun des membres du groupe, et plus particulièrement sur Paul McCartney. Bref, je vous laisse découvrir tout ça avec des documentaires et des bouquins qui l'expliquent très bien. Mon premier morceau coup de cœur s'intitule Strawberry Fields Forever, véritable bijou des Beatles qui fut sorti uniquement en single aux côtés de la chanson Penny Lane. Une fois de plus, Strawberry Fields démontre bien toute la créativité dont le groupe était capable. Morceau qui, par sa structure musicale, l'introduction du mélotron, plus tard indispensable au mouvement progressif, et ses textes sublimés par Lennon, a atteint le rang de chef-d'œuvre qui inspira plus d'un dans cette ère psychédélique. Je tenais aussi à parler du morceau Because, issu de l'album Abbey Road, et qui est donc mon second coup de cœur. Il a le pouvoir de séduire à la première écoute, des accords au clavecin électrique qui rappellent évidemment des airs de musique classique, Lennon affirme d'ailleurs s'être inspiré de Beethoven pour ça. S'ajoute à cela les voix en chœur de Lennon, McCartney et Harrison, et c'est sublime. Le travail qui a été fait en studio est remarquable, et se ressent bien. Trois voix qui en deviennent neuf, travail sur les instruments tels que le Moog ou encore cet effet presque galactique. On a l'impression que nos trois chanteurs s'adressent à l'univers depuis l'espace. Il s'agit de Because. Et enfin, la plus belle chanson du monde, en toute objectivité bien sûr, qui clôt un des meilleurs albums de tous les temps, A Day in Life. J'ai été conquis par la voix de Lennon si berçante et planante. La montée de l'orchestre symphonique allant de la note la plus grave à la plus aiguë, au cœur de cette musique est renversante. Et je vous invite à regarder l'anecdote succulente à propos de ce passage, mais aussi à propos de tout le morceau, comme des sifflements très aigus ou des phrases prononcées à la fin du morceau par les Beatles, bref, de nombreux mythes plus ou moins vrais qui font vivre cette musique. Tout est parfait dans ce morceau, y compris le dernier accord au piano que l'on entend pendant presque une minute. Il y a un avant et un après A Day in Life. Mais je vous laisse écouter tous ces morceaux dans leur intégralité par la suite. Maintenant, place à un très beau morceau très connu pour vous faire plaisir. Alors, ce n'est pas Help, ni Hey Jude, ni Let It Be, ni Come Together, décidément, mais plutôt le titre Something. Je vous souhaite une très bonne écoute et à la semaine prochaine sur RGA. Something in the way she moves. Oh,